quatrième et dernier temps de notre série sur les femmes artistes. Aujourd'hui, jeudi, le documentaire. Pour terminer notre série sur les femmes artistes, après avoir parlé des musiciennes et des compositrices, mais également des peintresses et des sculptrices, ou encore hier des autrices et des écrivaines, eh bien Claire Zalamansky, productrice du documentaire que vous allez entendre aujourd'hui et chanteuse elle-même, nous raconte la vie et l'œuvre de Renée Lebas qu'elle a découverte il y a quelque temps et pour laquelle elle s'est prise de passion. Une autre chanteuse extrêmement importante et extrêmement populaire également dans les années 50 pour ses chansons d'amour, et oublié depuis, donc, Renée Lebas. Claire Zalamansky et Séverine Cassard, la réalisatrice de ce documentaire, dressent ici un portrait singulier dans lequel, derrière la chanteuse à succès, niche la douleur tragique de la destruction des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec les témoignages et les analyses de Jérôme Collet, Bertrand Dical, Philippe Gimpelwitsch, Hélène Azéra et Serge Lama, ainsi que la participation d'Aude Marine Bertin, jeune admiratrice de Renée Lebas. Il est inutile, n'est-ce pas, que je vous décrive Renée Lebas, vous la connaissez tous, sinon vraiment, du moins, par des photos. Imaginez donc ce charmant sourire s'effaçant sur son visage pour que vous puissiez y lire toute l'émotion, tout le pathétique qu'exprime la plupart de ses chansons. Laissez-moi vous dire que sa plastique et ses gestes savent exprimer autant que son visage. Quant à sa voix, vous allez l'entendre, elle vous remue, vous prend au type et au cœur aussi. Vous allez entendre une authentique, sans flatterie aucune, je dis ce que je pense, une authentique vedette de la chanson émouvante, poignante, de la chanson qui réveille les cœurs endormis. Écoutez donc Renée Lebas. Renée Lebas, la chanson française qui vient de loin, un documentaire de Claire Zalamansky, réalisé par Séverine Cassard. Depuis tant et tant de jours que j'espère solitaire ton retour. Où es-tu, mon amour? Sous quels cieux, en quel séjour? Le silence de l'absence semble lourd. Après avoir redonné souffle et vie à des chants oubliés d'une lointaine Espagne, je me lance aujourd'hui sur les traces de Renée Lebas, grande voix de la chanson française qui règne avec Piaf sur le tout Paris musical des années 50, quitte la scène en pleine gloire en 63, l'année où Piaf disparaît. Renée Lebas, celle qui d'un formidable coup de cymbale fait passer la musique yiddish pour de la chanson française, point d'orgue d'un véritable klezmer français, selon l'expression de son grand complice, Charles Aznavour. Renée Lebas, Leiba, Lieben, la plus belle diction des années 50, naît à Paris en 1917 de parents juifs roumains émigrés dans le quartier de la Bastille. Son père est tailleur et sa maman couturière, un peu comme dans la chanson de Trenet. Papa pique et maman cou, papa pique et maman cou. Trenet, qu'il appelle la chanteuse irréaliste, car elle n'a ni la gouaille ni l'accent de la mouffe. Trenet, qui lui confie le soin de créer sur scène sa célèbre chanson « La mer ». Renée Lebas, la mère de la mer. Amertume des années de guerre qui la contraignent à l'exil en zone libre, puis en Suisse, alors que sa carrière connaît une ascension rapide et prometteuse. La Shoah. Elle est la première à l'évoquer à travers une chanson, La Fontaine endormie, en 1956. Chanteuse prodigue, on lui doit une discographie impressionnante. Et pourtant, quelque chose cloche. Une diva que la postérité ne retient pas à sa juste valeur, pas suffisamment, et qui disparaît au loin dans les mémoires. À cause peut-être de cette ombre dans la voix qui la rend trop sombre, chambre froide, inaccessible. Elle met fin à sa carrière du jour au lendemain. Et sans transition, elle fait tout autre chose. Elle ne remonte jamais sur scène, jamais vraiment, et s'éteint en 2009 dans la quasi-indifférence générale. Garde l'espérance, chante René Lebas, toujours au générique de Radio J. Une chanteuse d'hier et d'aujourd'hui, moi qui reprends son répertoire, mais pas dans les siens, un chant devant l'autre. Alors René Lebas, une chanteuse oubliée ? Moi, mon Paris, je me le promène dans ma tête. Le bois de Boulogne avec les violettes, les petites impasses où tous les soirs il m'emmène, où il m'embrasse à perdre haleine. Aude-Marine Bertin, vous venez de déposer une rose sur la tombe de René Lebas, parce que c'est sur la tombe de René Lebas que nous vous avons donné rendez-vous, car vous avez une histoire très attendrissante autour de René Lebas et de sa sépulture, qui fait qu'aujourd'hui, vous lui déposiez une rose. En 2014, pour les auditions de la comédie musicale Miss Tinguette, je cherchais une chanson et très vite, j'ai pensé à « Moi, mon Paris », interprété par René Lebas, qui se trouvait sur un album de Borisian et ses interprètes que j'ai beaucoup usé quand j'étais enfant. Et en recherchant des informations sur cette chanteuse, je me suis aperçue qu'elle était enterrée à quelques mètres de chez moi à l'époque. Et donc, je crois que je manquais un peu de courage et j'ai décidé d'aller la voir et de déposer une fleur. Puis je n'avais jamais fait ça, mais j'ai aussi déposé un petit mot qui racontait simplement l'amour que j'avais pour elle depuis que j'étais enfant. Puis lui demander un peu d'aide pour réussir à interpréter ma chanson. Et quelques jours plus tard, j'étais à l'époque dans un foyer de jeunes travailleuses bretonnes à Montparnasse et on frappe à ma porte et c'était la dame de l'accueil qui me disait « Écoutez, j'ai une histoire incroyable qui se passe à l'autre bout du téléphone. Pour moi, c'est tellement incroyable que s'il vous plaît, venez vite décrocher le téléphone. » Et à l'autre bout du fil, il y avait Francis. Qui est Francis ? Alors, c'est le neveu de René Lebas, que je ne connaissais absolument pas, et qui me dit qu'il était venu se recueillir sur la tombe de René Lebas quelques temps après mon passage avec sa famille, et qu'ils avaient tous été très surpris de découvrir ma lettre et la rose. Et vous l'aviez placée où, cette lettre ? Parce que là, je ne vois pas de pot de fleurs. Ah non, mais juste, j'avais juste déposé la fleur avec un petit caillou et la lettre dessous, sous un caillou. Et qu'est-ce que vous leur trouvez à ces chanteuses d'un autre temps, et à René Lebas en particulier, qui vous aide à vivre ? Honnêtement, c'était vraiment pour l'interprétation. J'aimais que les consonnes claquaient, les voyelles s'envolent, on déguste les M. J'ai une voix plutôt petite, frêle. Et d'avoir des femmes qui ont des voix fortes, ça me plaisait. Vous êtes vraiment adossée sur ces femmes pour vous construire, quoi. Oui. Sur ces voix. Oui, tout à fait. Pour trouver votre propre voix. Totalement, oui. Insensiblement, vous vous êtes glissée dans ma vie. Insensiblement. Quelle musique. Là, quand vous avez une musique comme ça, je vais vous dire, vous n'avez pas trop de mal à trouver les mots. Enfin, vous trouvez insensiblement quand même. Insensiblement, vous vous êtes glissé dans ma vie. Insensiblement, vous vous êtes logé dans mon cœur. J'étais avec vous comme une amie, comme une sœur. Nous faisions de l'ironie sur le bonheur. Comment vous est venue là, la chanson ? Comment elle est arrivée dans votre vie ? Ben écoutez, j'ai toujours aimé chanter. Ma mère chantait, mon père chantait. Et je vais vous donner une petite histoire. René Lebas, au micro d'Hélène Azéra, 11 décembre 2002. Un jour, j'avais 10 ou 11 ans, je ne sais pas, il y avait une fête familiale, et puis tout à coup, j'ai bousculé tout le monde, je suis monté sur la table, et j'ai chanté « Ne pensons à rien, le courant », que chantait Lise Gauthier, qui était ma préférée, voyez, à 11 ans. Et la famille s'est dit « Tiens, elle a une petite fibre artistique, celle-là ». Je ne sais pas s'ils se sont dit ça, mais moi, je me le suis dit. Les débuts de René se situent dans les années 35-36. Jérôme Collet, chanteur de variété, proche de René Lebas. C'est une toute jeune fille, elle a envie de chanter parce que dans sa famille, son frère aîné qui s'appelle David est musicien. Donc, il s'accompagne un petit peu au piano et puis c'est une époque où tout le monde chante. pas de télévision, bien entendu, il y a que la radio. Et elle avait commencé à fréquenter des duos comme Gilles et Julien. Elle avait déjà rencontré Francis Lemarque. Elle faisait déjà des auditions et elle allait donc déjà voir les éditeurs. Nous faisions partie d'un groupe qui s'appelait le Théâtre Ouvrier de France. Et il y avait des groupes comme ça. Il y avait le groupe Octobre qui était dirigé par... Ah oui, il y avait Lemarque. Bah, oui. Il y avait Prévert. Pas... 1996. Le groupe Octobre, c'était Prévert, Jean-Louis Barrault, Mouloudji, Baquet. Blin. Et puis, il y avait le groupe Mars avec les frères Marc. Donc, Francis Lemarque. Oui, et nous, nous étions du groupe 12. Et nous étions... On nous poussait davantage vers le théâtre que vers la chanson. Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de faire notre petite carrière de duettiste amateur. En 37-38, elle passe un concours de chant à Radio Cité. Elle ne gagne pas, elle est la deuxième. Mais après, il y a un homme qui vient la voir et qui lui dit « Mademoiselle, je suis le directeur du Grand Hôtel de Cabourg. Ce que vous faites me plaît, si vous voulez, je vous propose un engagement. » Et c'est comme ça que ça démarre. C'est comme ça qu'elle se crée assez rapidement la réputation d'une artiste différente parce qu'elle a une diction... agréable. Elle ne roule pas du tout les airs comme à l'époque on roulait les airs quand on chantait. Et elle est entre la chanson réaliste et la chanson sentimentale. Bien qu'elle aurait détesté qu'on dise qu'elle était une chanteuse sentimentale. Mais elle chantait quand même bougrement bien les chansons sentimentales. On ne sait jamais s'il faut croire à l'amour, au serment des premiers beaux jours, à l'appel du bonheur. Je t'ai rencontré et tu m'as tout donné, la douceur de tes bras serrés, la passion de ton cœur. Vous avez sur votre secrétaire une photo de René Lebas au téléphone avec un combiné blanc entre les en mains. En bakélite, oui, comme on faisait à l'époque. En bakélite. Est-ce que c'était en souvenir de vos conversations téléphoniques? Vous m'avez dit que vous lui parliez presque tous les soirs à une époque. Ah, je ne m'étais même pas rendu compte, oui, je n'avais pas fait le rapprochement. Je trouvais qu'elle était, elle a l'air tellement malicieuse là-dessus que ça la résume bien. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on s'appelait pratiquement tous les soirs. Alors là, elle a les cheveux longs et sur cette photo. Oui, parce que dans la première partie de sa carrière, elle avait les cheveux longs et elle les a coupés très très courts vers 1954. C'est une femme qui avait du chien, comme on dit. Elle avait beaucoup de classe dans sa tenue, dans ses robes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses tenues, justement, de comment elle s'habillait, comment, à quoi elle ressemblait? C'était délicat parce que vous aviez Piaf qui chantait dans sa petite robe noire, avec sa petite croix, donc on ne pouvait pas faire plus simple. Toutes ses consoeurs chantaient en Dior ou en Balmain, en robe longue, etc. Donc, il fallait se positionner. Mais je pense que René n'était pas dans l'ostentatoire. C'était l'élégance sans en faire des tonnes. Et son premier disque est fait par Raymond Asseau. Raymond Asseau s'occupait d'Edith Piaf. Quand même, elle débute et il y a Asseau qui s'intéresse à elle, celui qui a fait Piaf. Quand même, tu vois, ça arrive très vite. Hélène Azéra. L'histoire de Renée, c'est qu'elle fait une ascension, mais d'une rapidité. À cette époque, il fallait 10 ans pour arriver en haut de l'affiche. Elle arrive, toi, elle fait une ascension foudroyante, et tout d'un coup... Je vais vous raconter une chose, c'est que j'avais commencé ma carrière donc dans les années 38, et puis j'avais des amis qui voulaient créer un cabaret dans Paris, qui s'appelait Paris Méditerranée, du nom de la chanson de Chloé Rec. Et... j'avais demandé à Django Reinhardt de venir jouer. Pour ah, rien que ça. Rien que ça. Il avait accepté. J'ai retrouvé d'ailleurs la pub. Et puis malheureusement, on n'a pas pu ouvrir puisque au mois de mai 40, j'ai dû partir de Paris. Ah oui, c'était. Car comme tout le monde le sait, je suis juive et je ne pouvais pas rester à Paris à ce moment-là. Le problème, c'est que les choses se sont gâtées, bien sûr, avec la guerre. Et elle va en zone libre où elle travaille quand même beaucoup. Il y avait Norbert Glansberg, il y avait Marie Dubas, donc on trouve, il y avait Michel Aimer, donc ils s'étaient tous retrouvés dans le sud de la France. C'est là qu'elle rencontre Edith Piaf et qu'elle la côtoie. Mmh. Mais après, René, les choses se gâtant, vers 1942, traverse la frontière. En fait, elle rencontre en zone libre Francis Carco et son épouse. Sa femme était juive aussi, donc il était très concerné par tout ce qui se passait. Et il m'avait dit, René, il faut absolument que vous partiez en Suisse. Or, j'avais mon futur mari qui habitait Genève. Il n'était pas suisse, mais il habitait Genève. Donc j'ai pu y aller. Mais c'est Francis Carco, et je tiens à le dire, il m'a dit, il ne pouvait pas rester ici, il vous arrivera des choses épouvantables. Et une fois qu'elle est en Suisse, Elle obtient son permis de travailler, bien entendu. Elle épouse ce Français qui lui a permis de passer la frontière. Donc, elle devient Madame Renée Sévos. Donc, très vite, c'est une femme qui se marie à un homme qu'elle n'aime pas, mais qu'elle a épousé pour le remercier. Bon, ça fait partie de ces contrats qu'on peut parfois avoir dans la vie. Elle se retrouve quand même donc en Suisse, on va dire tranquille, mais dans un pays où elle arrive à avoir des nouvelles de sa famille par courrier. Le restant de sa famille était parti du côté de Bordeaux. Elle enregistre une douzaine de 78 tours sur His Master's Voice Genève, qui ont un petit retentissement tout de même. Mais bien entendu, pas le même retentissement que si elle était restée en France. Elle chante beaucoup aussi en radio. Pour ceux à qui on n'avait pas confisqué la TSF, on pouvait, sur les grandes ondes, capter les informations de la radio suisse romande. C'était des informations a priori un peu plus neutres que celles fortement connotées de Radio Paris, par exemple. Et donc, elle intervenait. Donc, il y a quand même des gens qui l'entendaient régulièrement. « Mon amour vient de finir », un soir de 14 juillet. Alors, on s'arrangeait, bien sûr, pour que les chansons qu'on chante aient une petite connotation bleu-blanc-rouge. Hein. Quand on évoque le 14 juillet, on se doute bien que ça n'est pas pour rien. Mais la plupart du temps, ça, ce sont des chansons qui ne sont pas parues dans le commerce. Vous avez dû rencontrer des tas de gens là-bas, mais il y en a qui vous touchent peut-être de plus près. Il y a Philippe Gérard, il y a Reichenbach, qui par la suite est devenu un homme illustre au cinéma, bien oui, entendu. Oui, absolument. Ils avaient tous les deux 17 ans, ils étaient également réfugiés pour les mêmes raisons que moi. C'est Carco qui me les a présentés, et c'est ainsi qu'ils ont été amenés à me faire des chansons, dont une est importante parce qu'elle résumait bien pour eux, comme pour nous tous, la situation dans laquelle nous nous trouvions en Suisse. La terre est solitaire pour ce que l'exil a cueilli. J'en chante la nuit. Emporte par l'espace les jours et les soirs. Bien, mon cœur n'a plus de sève, du moins toi dans mon rêve, pays de mon espoir. Calmons ma souffrance comme une délivrance, je chante vers toi dans le. Vous connaissez cette air? Sans doute. Et l'interprète? Quelle est cette chanteuse dont la voix est si familière à vos oreilles? Mais oui, c'est Renée Lebas. Renée Lebas qui chante de l'autre côté de la rue. Elle est ici, de ce côté de la rue, au studio de Radio Genève. Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une pauvre mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. C'est à Michel Aimer, Michel Rosenstein, compositeur et pianiste, réfugié comme elle, qu'elle se confie. Elle lui parle de cet appartement où elle habitait quand elle était petite avec ses parents, au rez-de-chaussée d'un immeuble très modeste. En face, cet immeuble très bourgeois. Au troisième étage, des fêtes formidables avec des filles, de belles filles. Là, juste là, de l'autre côté de la rue. Une chanson qui se colore d'une tonalité particulière dès lors que l'on sait que Renée Lebas la chante et l'enregistre pour la première fois de l'autre côté de la frontière, à Genève, en 1942. En 1944, elle rentre à Paris, laissant derrière elle, dans la fumée de sa voiture à gazogène, la Suisse et son mari. Elle est la première chanteuse à retrouver les chemins des studios parisiens et enregistre pour la seconde fois de l'autre côté de la rue. Édith Piaf s'empare de cette chanson et l'enregistre quelques mois plus tard, en 1945. La postérité retiendra la version de Piaf. C'est ainsi. C'est évident que l'exil de René Lebas, alors que effectivement Édith Piaf continuait à travailler beaucoup à Paris, Piaf prend le trône et la couronne au cours de l'occupation. Bertrand Dical, journaliste et biographe. René Lebas est, cela dit, plutôt bien armé pour un changement esthétique qui va survenir dans les années 50. Une chanson plus lisse, une chanson moins spectaculaire dans ses effets. C'était une chanteuse qui aimait les mots autant que les musiques et qui chantait les deux et qui essayait de faire sortir l'âme d'une chanson. Serge Lama. C'est-à-dire qu'elle n'est pas loin de la diseuse quand même à ce niveau-là. Les interprètes de l'époque s'emparaient des chansons parce que tout le monde chantait les mêmes chansons. Piaf, tout le monde montant, tout le monde reprenait les grands chanteurs. Des fois, il y avait 20 versions d'une chanson. Étoile des neiges, je ne sais pas combien de versions il y a eu, mais c'est absolument gigantesque. Mais Étoile des neiges, c'est pas une chanson qu'aurait chanté René, par exemple. Mais elle chantait des chansons, plus comme d'aventure, c'est typiquement le style de chanson qu'elle aimait chanter, quoi. Moi, ce qui me touche dans vos interprétations, il y a un certain classicisme qui fait que c'est indémodable, bien sûr, mais il y a une espèce de très, très grande pudeur dans les moments dramatiques. C'est là où les gens qui parlent de chanteuses réalistes, c'est vraiment le contraire de votre métier, parce que vous avez plutôt, même si vous pouvez donner du volume, donner de la puissance, vous avez plutôt tendance à déchanter qu'à chanter. Oui, j'apprécie ce que vous venez de dire, effectivement. Je n'essaie pas d'exprimer à 100% les choses, les sentiments. Ça doit venir naturellement. Si un texte est bon et si le sujet vous touche, automatiquement vous le retransmettez. Si jamais tu te promènes un jour dans les rues de Varsovie, tu pourrais peut-être faire un tour du côté de mes amours. Tu verras tout au fond d'une cour, près d'un mur où s'arrête ma vie, une fontaine endormie, endormie pour toujours. Verser tant de rires, et comment te dire, mon cœur se déchire. Nous étions deux pour l'entendre, et tu peux comprendre tous mes souvenirs. Il avait les yeux couleur du ciel, quand le ciel descend sur Varsovie. Comment veux-tu que j'oublie, que j'oublie tant d'amour? Promène un jour dans les rues de Varsovie, tu pourrais peut-être faire un tour du côté de mes amours. Tu verras tout au fond d'une cour, près d'un mur où s'arrête ma vie, une fontaine endormie, endormie pour toujours. Tu verras le sourire de ses rêves où se lève des jours d'amour. c'est une chanson qui est importante historiquement parce que c'est la première chanson à parler explicitement de la Shoah. Et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle ne parle pas explicitement de la Shoah. Elle raconte l'absence. Et il y a dans cette chanson quelque chose qui résume bien ce qu'est René Lebas. C'est-à-dire, elle pleure pas, cette chanson. Elle crie pas, elle hurle pas. C'est elle qui était allée chercher... Son père et sa sœur ont été déportés. Et c'est elle qui était allée chercher sa petite sœur à l'hôtel Lutetia. Elle m'a dit, oui, c'est moi qui suis allée la chercher. Mais son père, lui, n'est pas rentré. Jérôme Collet. Et je pense que René, pour parler de ça, mais ça, elle ne me l'a jamais dit, hein, mais c'est moi qui interprète en l'ayant côtoyé, fait partie de ces gens qui se disent pourquoi j'ai eu la vie sauve et pas eux. Je pense que ça l'a travaillé beaucoup. Sa sœur est revenue de déportation pour mourir d'un cancer plusieurs années après. Ça aussi, ça mettait René dans des considérations d'incompréhension la plus totale. Je pense que tout ça, c'était très, très intériorisé. C'était très, sans doute très douloureux. Elle a chanté. Elle n'a pas parlé, mais elle a chanté. Voilà. Alors vous avez des gens qui peuvent trouver qu'il y a une certaine tristesse dans le timbre de René Lebas. Beaucoup de gens me disent ça, y compris des gens qui l'ont vu sur scène. Moi, je trouve qu'après, effectivement, il y a une qualité de cafard. Hélène Azéra. Pas dans toutes les chansons, mais il y a dans certaines chansons, quand ça commence à remonter, moi, des fois, je me sens mal. C'est à Genève, pendant l'occupation, qu'avec le concours de Philippe Gérard, j'écrivis cette troisième chanson. Francis Carco, Le voyageur sans bagage, chanté par René Lebas en 1954. Elle devait prendre place dans un film. Le film ne fut jamais tourné. Tant pis, la chanson reste. En descendant du train dans l'ombre, l'homme n'avait pas de billet. Mais il a gagné sans encombre un hôtel borgne du quartier. C'était un client de passage, une espèce de vagabond qui dissimulait son visage en s'inscrivant sous un faux nom et qui partait pour un très long voyage par les carreaux de sa fenêtre jusqu'à l'aube. Il n'a pas cessé de voir se suivre et disparaître de gros nuages convulsés. D'ailleurs, je le disais à Aznavour récemment, je dis, tu vois, nous sommes deux petits rigolos, parigots, mais on vient loin. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Charles Aznavour à René Lebas. René, cher René de notre jeunesse, à la voix claire et chaleureuse à la fois. Savais-tu seulement que tu nous as porté, à ton insu peut-être, un souffle nouveau, venant des froidures de l'Est, souvent soutenu par un style tsigano-swingé que l'on redécouvre aujourd'hui, le klezmer. Parfois tendre, toujours nostalgique, avec une pointe aiguë de dérision. Savais-tu seulement ce que tu faisais? Je n'en suis pas certain. Votre grand, grand succès à l'époque, c'est Tire l'aiguille. Vous aviez à cœur à l'époque de faire rentrer dans la chanson française un peu de l'âme du folklore yiddish. Oui, c'est vrai. Non seulement parce que c'était le folklore yiddish et que je suis juive, comme tout le monde le sait, mais parce que ce sont des belles musiques, très entraînantes, très enjouées, très gaies, malgré que le peuple n'était pas tellement gai. Tire l'aiguille. Grand prix du disque en 1952. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, demain tu te maries, mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs, faites de paillettes, de diamants, le diadème d'oranger. Porte bonheur est entre les mains de ta maman. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, tire, tire l'aiguille, ma fille, tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire l'aiguille, c'est une jolie chanson et en même temps une chanson très grande. C'est une vraie chanson traditionnelle. Et il y a dans ce mariage à la fois magnifique, pauvre, dans cette espèce de romanesque ordinaire, quelque chose qui nous renvoie au grand roman d'Isaac Bashevis-Singer, qui nous renvoie à toute une littérature, à des films, à des... Ça fait partie d'une espèce de grand complexe culturel du Yiddishland, dans lequel, évidemment, on peut rentrer juste avec cette chanson. C'est un petit éclat de ce vaste feu d'artifice. Il y a une manière de saisir la France, chez René Lebas, ou chez Francis Lemarque, ou chez Charles Aznavour, ou chez Yves Montand, ou chez je ne sais qui d'autre, qui est assez fascinante. Philippe Gimplovitch, musicologue. Et pour parler de toute la veine parisienne de Lemarque, hein, la veine parisienne de Lebas, en introduisant ses propres mots, plus des mélodies originales venant de loin, comme vous dites, et la mélodie de Tire l'aiguille, elle est bouleversante. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a à la fois le refrain, il y a cette espèce de lancée comme ça. Ça dit oi, quoi. Il y a quelque chose qui est bon. Comment dire, c'est la réussite à laquelle tout le monde aspire, c'est-à-dire une chanson à la fois très très particulière et universelle en même temps. Voici maintenant l'histoire d'un jour de fête imaginaire. Et en ce jour extraordinaire, il se passe des événements, des choses absolument miraculeuses. La Saint-Bonheur. Par un beau matin du mois de mai, on vit danser Monsieur Muguet au bras d'une pervenche bleue. Il dansait avec les fleurs des champs et s'embrassait à cœur content, comme le font les gens heureux. Et tant pis pour toi, si tu n'y crois pas. Et tant pis pour toi, tu n'iras pas à la danse de la Saint-Bonheur, qui commence et qui fait battre les cœurs. C'est la Saint-Bonheur, tourne, tourne, tourne le moulin. C'est la Saint-Bonheur, tape, tape, tape dans tes mains. Techniquement, c'était une bonne chanteuse qui avait une très bonne diction et qui chantait en rythme. Et Norbert Glansberg soulignait qu'au moins, elle commençait les chansons quand il fallait. Une prise, deux prises, sur scène aussi. Elle était quand même assez maîtresse du genre récital. Je crois qu'on ne se rend plus compte de ce que c'est que ce travail-là. Parce qu'une fois, je lui avais dit, oh, dites donc René, j'ai vu que Dalida, dans les premières années où elle chante... Il lui fallait compulser environ 300 chansons pour en sélectionner 4. Et René m'avait dit, c'est au moins 300 chansons. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, auditionner, faire jouer par un pianiste 300 à 400 chansons, passer à peu près une heure et demie par chanson, vous en faites 4 par jour. Alors, il peut y avoir aussi des auteurs-compositeurs qui viennent, qui vous jouent directement les chansons. Hein. C'était le cas de Ferré, ça a été le cas de Jean-Pierre Moulin, qui venait directement en disant, madame, j'ai une chanson, le piano est là, je vous écoute, je prends pas. Après, on les enregistre. Et après, on essaye de les défendre. Donc, c'est un travail non-stop, en fait. Sans parler des tournées. Alors, elle se payait toujours un franc succès en Afrique du Nord. À l'époque, on avait les protectorats et les colonies. C'était aussi des possibilités de chanter. Alexandrie, le Caire. Il y avait des anecdotes où elle chantait devant le roi Farouk en Égypte. Et puis, elle était interrompue par un coq qui fait cocorico en pleine chanson. Tout le monde éclate de rire. Donc, tout ça, c'était relayé par la presse. Et elle, là, dans ce sens, elle avait un certain retentissement quand même. Elle était très connue et très appréciée par les publics francophones d'Afrique du Nord. Mais elle m'avait dit, j'ai fait une erreur. Parce que Nicole Barclay lui avait proposé... « Veux-tu qu'on te donne des cours d'anglais? Ce serait pas mal que tu enregistres en anglais. On pourrait peut-être tester ta voix sur le marché américain. »« Non, écoute, j'ai un engagement pour toute une tournée en Afrique du Nord, j'ai pas le temps. » René m'avait dit « J'ai fait une erreur. » Le sang sale du néon poisse la rue de rouge à mes pieds. J'ai poussé le lourd battant de la porte du bar, j'suis entré. Un orchestre jouait, quelques clients dansaient, joue à joue. tu étais assis là, une femme à ton bras, une femme, une autre déjà. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Je sais que tu m'as vu et tu sais que j'ai mal. Ne te retourne pas, ne bouge pas surtout. Continue de parler, tout doit rester normal. Laisse lui dans ta main, elle n'y est pour rien. Ne sois pas si mesquin. Comme j'étais trop populaire, il fallait que je fasse une petite entaille, si je puis dire. Si j'avais ressenti quelque chose en écoutant les chansons de Boris Vian, j'avais envie de lui faire partager mon enthousiasme, ma tendresse ou ma joie. D'ailleurs, quand j'avais rencontré Boris, chez moi, il était venu me voir et je préparais ce récital à Pleyel. Je lui dis, cher Boris, non, je prends l'accent de je ne sais plus qui. Cher Boris, voilà, est-ce que vous auriez envie d'écrire des chansons pour une chanteuse dite populaire? Il m'a fixé avec deux ses grands yeux verts. Ah, il m'a dit pourquoi pas. Comme vous pouvez le constater, chacun a son instant de folie dans la vie. D'ailleurs, le mien n'est pas terminé, puisque j'ai choisi cette chanson dont Boris Vian a fait les paroles et la musique. C'est une chanson qu'il avait primitivement intitulée « La valse folle ». Et tout étonné que je choisisse cette valse folle, il l'a appelée tout simplement « La valse à René ». C'est moi. J'ai composé pour toi une valse comme ça que jamais ne chantera personne. J'ai voulu qu'il y ait à boire et à manger dans ma valse. Et voilà le résultat. Très vite, la chanson va bifurquer vers 1949. C'est-à-dire, vous avez l'apparition de ce qu'on peut appeler la chanson rive gauche. Et René n'était pas rive gauche. C'est peut-être le tort. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de tort. C'est la difficulté qu'elle a eue dans sa carrière. C'est qu'elle aurait voulu rester populaire, comme Édith Piaf l'a été, et en même temps, ne pas chanter n'importe quoi, c'est-à-dire pas toujours « Amour toujours, tes grands yeux toujours bleus ». Ça a ennuyé rapidement René. Et donc, elle a essayé d'avoir un pied sur la rive droite et un pied sur la rive gauche. Et en France, c'est pas possible. Vous aviez des chanteuses plus jeunes, vous aviez Juliette Gréco qui commençait, Catherine Sauvage qui arrivait, et René était pas beaucoup plus vieille, mais 3, 4 ans, 5 ans plus vieille qu'elle. Et c'était déjà un retard pour elle. Plus la guerre avec Édith Piaf. Édith Piaf qui avait formellement interdit aux auteurs-compositeurs « Tu ne donnes pas tes chansons à René Lebas ». Elle tourne et se nomme la terre. Elle tourne et se fout nos misères. Vous êtes la première à avoir enregistré sur disque une chanson de Léo Ferré, je crois, c'est absolument. Elle tourne la terre. Elle tourne et se nomme la terre. Hein. Et alors, simultanément, je chantais à l'ABC et le propriétaire de l'ABC, M. Goldin, je peux dire son nom. Mitty Goldin, là. Oui. Mitty Goldin. Une légende du musical. D'origine comme moi de Roumanie, me dit « Cher René, vous êtes très bien, vous chantez bien, vous êtes belle. » C'est lui qui le disait. Hein. « Mais pourquoi vous chantez des chansons philosophiques ?» Mais enfin, venant d'un grand patron de musical, c'était, c'était réjouissant. Elle tourne et ses yeux sont les nôtres. Elle tourne et ses larmes sont les vôtres. Certains me disent que si elle n'a pas percé, enfin qu'elle est restée en gros l'éternelle numéro 2 par rapport à Piaf, qu'elle n'a pas eu une... Il y a toujours des gens qui disent, vous savez, il en faut des numéros 2. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce terme numéro 2 ? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, les chanteurs, ils chantent et ils ont tous un public qui est complètement différent. Serge Lama. Et le public de Piaf était le public de Piaf. Le public de René Lebas, c'était autre chose. C'était des gens plus cultivés. C'était des gens qui aimaient un autre style de chanson, une autre façon de chanter. Autre chose que ce que chantait Piaf. Et alors, les numéros qu'on met dessus, ça ne veut pas dire grand-chose. J'avais rencontré Jacques Brel bien avant qu'il ne soit connu. Il était venu me voir chez moi et il me chante des chansons. Je lui ai dit, mais écoutez, qui peut mieux que vous chanter ces chansons-là ? Vous devez les chanter. Il m'a dit, vous croyez ? Je le reverrai toujours comme ça, épaté, ébahi. Oui, oui, oui. Et nous nous sommes revus après, donc je n'ai pas chanté les chansons qu'il me présentait à l'époque. Et puis, un jour, je le rencontre et je lui ai dit, j'aimerais bien chanter la valse à mille temps. Oh, ça me ferait plaisir. Et il avait été adorable parce que je crois qu'il avait aimé cette version et ça avait été très sympathique, vraiment. Bon, on va pas s'attarder. La chanson est belle, hein. Elle est superbe. Au premier temps de la valse, toute seule, je souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Si on compare d'ailleurs sa version à celle de Brel, elle a quelque chose que n'a pas Brel. Bertrand Dical. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de sortir ses propres tripes pour pallier ses difficultés dans l'accélération. Il y a un moment où, dans la valse à mille temps, on sent bien que c'est pas facile pour lui. Alors qu'elle, on ne sent pas que c'est difficile, c'est pas la même chose. Elle nous fait bien entendre la chanson pour ce qu'elle devrait être. Avec de la maîtrise, avec de l'entrain et avec une espèce de sincérité, qui est une sincérité d'actrice, hein, qui est une sincérité de personne qui sert une œuvre en se disant que quelqu'un d'autre après elle la servira. Et René Lebas est pour ça une interprète d'une rectitude et d'une éthique qui se sont aussi un peu perdues, mais je dis pas ça par nostalgie, mais c'est un souci qui a disparu chez les interprètes en France, qui est de servir uniquement la chanson et non pas d'en donner une version personnelle, unique et définitive. Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour fait en printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, pour se donner à mon 350 temps de bâtir un roman. La la la la la la la. Comment vous expliquer, parce que moi c'est vraiment la question que je me pose, qu'elle est, on peut dire, quasiment disparue des radars, quoi. Alors mais tout a disparu des radars. À ce point-là. J'arrive pas à comprendre. C'est l'époque qui est comme ça. Il y a même des gens d'aujourd'hui qui disparaissent des radars et qui ont fait des succès, qui avaient un certain talent, qui ont fait des choses. Mais je pense surtout qu'il fallait qu'elle fasse ses 20 ans. Si elle avait fait 20 ans de carrière, qu'on aurait entendu René Lebas pendant 20 ans, ça aurait été complètement différent. Or, on a entendu René Lebas, et puis en 40, on lui a fermé le clapet. Et si elle avait pu installer avant la guerre, elle aurait fait 20 ans, et ça aurait été plus marquant. J'avais décidé de ne plus chanter, d'une manière très, très, très... 1995. Définitive, péremptoire. La chanson était tombée de moi, comme un fruit trop mûr qui tombe de l'arbre. Mais pourquoi vous avez décidé d'arrêter de chanter ? Il y a beaucoup de vos consoeurs qui ont continué, qui continuent toujours. Naturellement, mais je n'ai pas de consoeurs ni de confrères, je suis moi, René Lebas. Oui, mais il y a une raison. René Lebas a-t-elle décidé d'arrêter de chanter ? J'ai décidé, il y a 1000 raisons, il y a 36 000 raisons même. Et c'est difficile de les énumérer, mais la décision a été prise toute seule, face à face avec moi-même. Et voilà, un beau jour, j'ai décidé. Parce que les années 60 et la jeunesse arrivante, la chanson changée Je sais pas, je pense que j'étais pas quand même trop vieille pour avoir peur de cette jeunesse qui arrivait. Il est possible que ce soit une des 10 000 ou 20 000 raisons. Vous m'avez dit un jour, je trouve qu'à un certain âge, il est indécent qu'une femme chante l'amour. Oui, je l'ai dit effectivement, mais je pense que c'était une parole complètement fausse. C'était un moment ou une coquetterie du moment ou... Je pense, oui, vous savez, les vieilles coquettes. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai complètement tort parce que je vois des femmes, disons plus âgées, qui ressentent toujours des émotions amoureuses. Le bal s'éteint dans le matin et l'amour a disparu soudain. La fête est finie. La fête est finie. Adieu les violons de la nuit. D'ailleurs, oui, en arrêtant, enfin, en stoppant ma carrière. 1996. Bon, j'ai encore chanté deux, trois fois, à Pacra, je ne sais où. Et puis, j'ai pris le contrôle d'une petite société de distribution de films pour la télévision, des dessins animés, des choses comme ça. Et puis, en même temps, j'ai créé ce qu'on appelle les productions René Lebas. Et c'est ainsi que j'ai été amenée à découvrir Serge Lama, qui fête d'ailleurs ses 25 ans de carrière, vous voyez, exactement. Mmh. Et nous nous sommes employés quasiment chaque jour jusqu'au moment où il a eu son accident, à travailler comme des fous. On a vraiment fait ses premiers disques. En tout cas, vous teniez à parler de Serge Lama, vous me le disiez avant l'émission. C'est chose faite, je crois que vous avez beaucoup d'admiration pour lui. Ah, je l'aime beaucoup, c'est un peu un fils spirituel. Oui, c'est quelqu'un qui est bien. Mm-hmm. Vous savez, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de dire de quelqu'un qu'il est bien. Oui, dans ce métier surtout. Oh, je crois que tous les métiers se valent, vous savez. Elle m'a peaufiné, si vous voulez, parce qu'elle était très... Elle laissait rien passer, quoi. Quand j'écrivais quelque chose, bon, elle me disait « ça c'est bon, ça c'est pas très bon, cette phrase c'est dommage par rapport au reste, etc. » Elle a su me cadrer, elle m'a materné, elle m'a trouvé un petit studio qui était pas cher, une encoignure où je n'avais qu'à dormir, j'avais 21 ans. Et puis elle m'invitait à dîner tous les trois soirs ou tous les deux soirs. Elle avait plein de copines avec qui on dînait, avec la fille de Colette, avec plein de gens, et j'ai appris mon métier petit à petit comme ça aussi, parce que j'étais très timide et je ne savais pas parler. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendre, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur frisson. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais c'était une femme très gaie, elle était toujours très gaie, très alerte, tout allait toujours bien, très vivante. Elle arrivait, elle avait les mains comme ça, elle bougeait. Je disais, non, mais ça fait rien, on va faire ça, on va faire ça. Quand j'ai eu mon accident, c'est elle qui a organisé un concert pour que... J'avais pas d'argent, elle le savait, donc pour me donner la recette de l'Olympia, il y avait Brassens, il y avait Barbara, il y avait... Enfin, l'affiche aurait été impayable même à l'époque. Alors René a organisé aussi ça, ce concert-là. Et après, c'est une vie assez solitaire. Et elle a fait une ultime tentative de chanson en 1991. Il y a eu deux chansons d'enregistrées dont je n'ai jamais retrouvé les bandes d'ailleurs. Et elle a chanté une chanson en hommage à Jean-André Jacques, la chanson pour Margot, à l'Olympia. Et ça a été sa dernière prestation sur scène. Si pour allumer la lume, il vous suffit de la plume prêtée par l'ami Pierrot, moi, pour me chavirer l'âme, il me faut le mélodrame qui faisait pleurer Margot. Une chanson d'amour qui vous prend là, avec du rêve autour et du lilas. Elle a cru un moment que sa carrière pourrait redémarrer avec ce passage, mais... Oui, c'est probable, mais les choses avaient tellement changé. ça a été une ultime déception. Et après, elle est sombrée dans une dépression. C'était un peu plus triste, on dira. Les dernières années étaient un petit peu plus tristes. Ça s'est à nouveau éclairé avec la sortie du Long Box, qui a permis de boucler la boucle de sa vie de chanteuse. Alors, est-ce que ça a été compliqué de faire de... Oui, extrêmement c'est pas compliqué. Rien, trois ça albums. A duré 18 mois. À la quelle maison... année c'est paru? En l'an 2000, la maison de disques ne voulait plus en entendre parler. Oui, elle était déjà... Je veux dire, la notoriété de René Lebas était plus qu'elle était, j'imagine, en l'an 2000. Ah, mais elle était complètement oubliée. Complètement oubliée. Et puis, j'ai eu la chance, dans la réalisation de ce triple disque, de travailler avec Thérèse Chasguet, qui connaissait bien l'histoire de la maison Barclay et qui a tenu le projet à bout de bras. Elle s'occupait, moi, quand je l'ai rencontrée, du catalogue Barclay. Parce qu'elle avait été la toute première à signer chez Mercury, qui allait devenir Barclay après. Donc, comme il savait qu'elle était vivante, c'était un petit peu la plaisanterie chaque année, dire « Ah, comment va notre première artiste ? Elle est toujours là. » Voilà. Donc, elle n'était pas complètement oubliée. Mais de là à ressortir 60 chansons, c'était quand même une autre paire de manches. Ça m'a fait chavirer l'âme, comme dans le mélodrame qui faisait pleurer Margot. Mais pour allumer la lune, je m'écris avec la plume prêtée par l'ami Pierrot. Une chanson d'amour, la la. Merci à Jérôme Collet, Bertrand Dical, Serge Lama, Hélène Azéra, Aude-Marine Bertin, Philippe Gimplovitch. Merci également à Patrick Bloch, ancien maire du 11e arrondissement, pour l'inauguration de l'esplanade René Lebas à Paris en mars 2014. Archivina, Isabelle Forrendu et Marine Decamp. Lecture, Daniel Königsberg. Prise de son, Fabien Gosset et Marcos Darras. Mixage, Éric Boisset. René Lebas, La chanson française qui vient de loin, un documentaire de Claire Zalamansky, réalisé par Séverine Cassard. Voilà donc pour cette très belle évocation de cette grande figure de la chanson française qui était René Lebas. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, la commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Demain, actualité, nous parlerons de livres d'actualité comme celui de Triste Grossesse d'Agnès Viorca et de Daniel Volman, mais également de l'actualité sur la recherche en Hongrie avec Clara Royer et puis Catherine Decopé dans sa Fabrique de l'Autre nous expliquera la naissance du mot journaliste.